après vous dire que je suis fou de vous, vous le dire, courir après le temps qui ne peut se finir, sentir nos corps et nos vies dans la chair de nos petits. Je suis devant votre porte, je sais ce que je vous apporte. Je vous aime si fort, si fort. Je vous donnerai un enfant encore. Je vous donnerai un enfant encore. Mentir, j'ai bien failli me trahir. Courir, mon cœur ne bat que pour vous suivre. Vous dire que tu es celle que je désire. Je suis devant votre porte, j'ai bien eu peur de mon escorte. Je suis bien là pour vous sourire, vous servir, vous aimer.